Creative Commons, c'est en fait une initiative qui permet aux gens qui le souhaitent d'être plus généreux et d'offrir au monde leur création. Creative Commons, ça vient en plus du droit, de la loi applicable dans tous les pays, où de toute manière, par défaut, toute œuvre est protégée dès l'instant où elle est créée. Personne n'a le droit de les exploiter sans votre autorisation. Alors qu'avec Creative Commons, avec ces contrats, en fait, l'organisation Creative Commons met à la disposition des auteurs et des artistes qui souhaitent offrir, qui souhaitent donner leur œuvre au monde, la possibilité de le faire de manière légale et simple et claire et explicative, sans perdre de temps dans des détails juridiques complexes et qui n'intéressent pas les auteurs. C'est vraiment un moyen pour permettre aux gens d'être plus généreux et d'offrir au minimum au public la possibilité d'accéder et de diffuser gratuitement les créations. Jamendo, c'est une plateforme qui permet à des artistes qui mettent leur musique sous une licence Creative Commons de distribuer sciemment dans les réseaux peer-to-peer. Alors ça leur permet notamment d'avoir une couverture globale partout sur Internet, de permettre à leurs fans de downloader leur musique en utilisant leur logiciel préféré. Pour le nommer, c'est Emule ou c'est BitTorrent. C'est-à-dire que ça permet à un jeune groupe d'être visible dans ces outils très populaires parmi les 15-25. Alors ça marche très bien parce que ça permet d'avoir un coût de diffusion de la musique à un coût nul, parce qu'on fait ça gratuitement. Et ça permet aussi aux auditeurs de trouver de la musique un peu en dehors des chemins battus, de ce qu'on peut trouver sur des plateformes payantes comme iTunes ou Virgin Mega. Alors, pour l'instant, l'exemple le plus parlant, c'est Miasa, qui a utilisé Jamendo pour être assez reconnu, puisqu'ils ont eu beaucoup de demandes, et qui a sorti maintenant un nouvel album. Et ce nouvel album, ils ont décidé de ne pas le mettre sur Jamendo, mais d'utiliser un circuit plus classique, puisque le dernier album de Miasa est disponible, lui, par contre, sur Virgin Mega. Donc, ils ont panaché en utilisant pour les anciens albums la plateforme Jamendo, qui est libre et gratuite, et les licences Creative Commons, bien sûr. Et ils utilisent les canaux de type Virgin Mega et des disquaires normaux pour leur nouvel album. Et donc, l'éclairage qu'a donné Jamendo leur a permis de signer, bon, je pense qu'il n'y a pas que nous, bien sûr, mais ça leur a apporté un très gros éclairage et ça leur a permis de signer un véritable label. Pourquoi Creative Commons ? C'est parce que nous, sur Jamendo, imposons ça. D'accord. Donc effectivement, ils auraient pu très bien mettre leur musique, d'ailleurs ils le faisaient, ils mettaient leur musique en MP3 sans licence particulière sur leur site, mais c'était dans un cadre, on va dire, juridique un peu incertain. Sur Jamendo, on leur a imposé, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont signé les conditions générales d'utilisation pour les artistes sur la plateforme, on leur a imposé de choisir soit une licence art libre, soit une licence Creative Commons. Pourquoi ? Parce que ces licences-là sont adaptées au XXIe siècle, elles autorisent la copie. Donc, plutôt que de dire, comme le copyright habituel, vous n'avez pas le droit de copier sauf pour faire une copie de sauvegarde ou une copie privée, les Creative Commons, pour simplifier l'extrême, c'est vous avez le droit de copier pour peu que. Alors après, il y a un certain nombre de questions qui peuvent être prises, par exemple, pour peu que vous n'en fassiez pas un usage commercial. Ça, c'est typiquement ce qu'utilise Miasa. Donc, prendre la musique pour la mettre sur Jamendo, nous imposons d'avoir une licence Creative Commons. Donc, ils y sont mis et ils ont trouvé beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, que leur musique soit diffusée dans des 15-25 qui n'ont de toute façon pas d'argent pour dépenser et qu'elle soit écoutée, et par contre que ça permette de remplir des salles de concert, c'est dans leur intérêt. Moi, je m'appelle Dominique Godon et je suis chanteur et auteur et cofondateur du groupe Godon, qu'on peut retrouver sur godon.org, d'ailleurs, le site du groupe. Tu me posais la question de savoir pourquoi nous, qui sommes musiciens et qui sommes censés avoir un espoir, si faible soit-il, d'un jour vivre de nos créations, on utilise un mode de diffusion qui, soi-disant, prône la gratuité. Par exemple, en proposant libre téléchargement tous nos morceaux sur notre site. Alors en fait, pour dire les choses telles qu'elles sont, quand on a commencé le projet Godon, donc, on a pris connaissance un petit peu des statuts d'adhésion à la SACEM et ça ne nous convenait pas du tout. Donc on a fouiné sur Internet, on est tombé sur, dans un premier temps, la licence Art Libre et ensuite le projet Creative Commons. Et ça nous a paru être une alternative plus que valable pour ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut toujours faire et ce qu'on est en passe de réaliser. Donc notre projet, c'est un projet professionnel dans le sens où l'aspiration, c'est de ne faire que ça, entre guillemets, donner sa vie à la musique, d'exercer ça comme un métier, de s'améliorer soi-même en tant que musicien, en tant qu'auteur, en tant que performer en live. Et dans ce sens, les contrats Creative Commons ne nous empêchent rien du tout. C'est même plutôt le contraire. Puisque on a été sélectionné pour participer sur une tournée qui est organisée par une salle de concert avec des groupes locaux de notre région qui eux sont sacémisés, qui sont tout ce qu'il y a de très normal, sauf que nous on n'est pas normaux dans ce sens là mais qu'on est quand même retenu dans un projet professionnel comme celui-là. Donc en fait, on fait bien la distinction entre le mode de diffusion, c'est-à-dire la façon qu'on a de diffuser la musique. Et personnellement, je ne pense pas que la nôtre soit spécialement meilleure ou moins bien qu'une autre manière de diffuser. C'est simplement la nôtre. On fait la distinction entre le mode de diffusion et la musique elle-même. Quand on est sur scène et qu'on joue, personne ne peut discerner à l'oreille que c'est de la musique qui est en diffusée avec les modalités d'un contrat Creative Commons. C'est quand je suis chanteur, donc ça m'arrive de m'adresser au public. C'est pas le genre de choses que je dis au public. Le public, il vient dans la salle de concert pour passer un moment agréable, écouter de la musique plus ou moins énergique, selon voilà. Mais c'est pas là qu'on est en train de dire voilà, on utilise Creative Commons, etc. C'est sur le site du groupe, quand les gens vont télécharger, alors là, on prend connaissance des modalités de diffusion, etc., etc. C'est ce qu'on va faire, Aurélien, tous les deux. On dit souvent que le fait de télécharger, et ça n'a pas grand-chose forcément à voir avec Creative Commons, mais le fait de télécharger avec du peer-to-peer ou alors sur le site directement d'un auteur ou d'un artiste ou d'un groupe, on assimile souvent ça à de la gratuité. Or, il s'avère que ce n'est pas du tout un acte gratuit de télécharger, puisqu'il y a un certain nombre de coûts, plus ou moins directs ou indirects, qui sont supportés par la chaîne des acteurs du téléchargement, c'est-à-dire il y a des machines sur lesquelles sont hébergés les morceaux et les sites, il y a la bande passante, l'entretien des réseaux, le coût de l'abonnement aux fournisseurs d'accès, l'achat des machines personnelles, des ordinateurs, les supports vierges. Donc toutes ces choses-là ont un coût, c'est pas gratuit du tout, même si ça a tendance à se démocratiser et à être de moins en moins cher. Mais quelqu'un qui télécharge un morceau sur godon.org par exemple ne télécharge pas gratuitement, il a payé un abonnement, il a acheté un ordinateur, il va peut-être graver sur un CDR. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire téléchargement libre et musique en libre diffusion plutôt que de parler de gratuité pure et simple. Donc, notre modèle économique depuis le début, on le sait depuis le début, c'est la musique vivante. Là où notre projet devient valable, c'est quand on fait entre 50, 60, 100, 150, c'est l'idéal, dates par an. Dans ce cas-là, on rentre dans un cadre connu, c'est soit l'intermittence, soit si vraiment les choses se passent super bien, c'est création d'une structure commerciale et puis la bonne gestion de cette même structure par la suite. Mais voilà comment on peut espérer en vivre. Certainement pas en vendant des supports de toute façon. Ça, c'est la cerise sur le gâteau.